Party. Le mercredi 3 août, ici Dominique Lelièvre pour vos informations. D'abord, c'est une juge autochtone, Marion Bouleur, qui présidera l'enquête nationale sur les femmes autochtones tuées ou disparues. Le gouvernement de Justin Trudeau a donné suite ce matin à cet engagement électoral. L'enquête publique débutera donc le 1er septembre et se poursuivra jusqu'à la fin 2018. Elle sera dotée d'un budget de 54 millions de dollars. Rappelons que ces 30 dernières années, quelques 1200 femmes autochtones sont mortes ou portées disparues. Certains évoquent même le chiffre de 4000 victimes. L'enquête devra donc déterminer les causes qui contribuent à la violence faite aux femmes autochtones. Elle examinera aussi les pratiques gouvernementales et fera des recommandations. Et à deux jours de la cérémonie d'ouverture des Jeux de Rio, la fébrilité est à son comble dans la deuxième plus grande ville du Brésil. La flamme olympique est arrivée à sa destination finale aujourd'hui et des athlètes de partout dans le monde continuent d'affluer au village olympique, dont la délégation canadienne qui compte 315 membres. Des compétitions ont d'ores et déjà commencé, c'est le cas notamment du soccer féminin. L'équipe canadienne affronte d'ailleurs aujourd'hui l'Australie. Et dans les rues de Rio, une partie de la population locale continue d'afficher sa frustration. Encore hier, des manifestants se sont présentés dans la rue pour dénoncer les coûts exorbitants de ces jeux. L'expulsion des habitants de certains bidonvilles a aussi été dénoncée. Chez nous à Québec, le nombre de saisies de véhicules Uber est en forte hausse. Il a plus que triplé comparativement à l'an dernier. Depuis janvier, Contrôle routier Québec a intercepté 235 véhicules Uber dans la région de la capitale nationale. Contrôle routier affirme que le moratoire sur la nouvelle loi décrétée par le gouvernement provincial ne change rien à ces opérations. L'ancienne réglementation continue de s'appliquer. Pendant ce temps, le gouvernement, rappelons-le, s'est donné jusqu'à la fin de l'été pour trouver un terrain d'entente avec Uber. Et terminons sur une note plus festive. C'est aujourd'hui, dès 16h, que débute la 20e édition des Fêtes de la Nouvelle-France. Le nouveau site du Parc de l'Artillerie ouvre ses portes en fin d'après-midi. Le grand barbecue d'antan s'y trouvera. L'organisation procédera également à la cérémonie d'ouverture sur la scène TD avant d'entamer le traditionnel défilé d'ouverture sur Grande Allée dès 19h. Donc, ce défilé sera de retour avec ses géants, ses navires de 40 pieds, ainsi qu'une centaine de personnes en costume d'époque. Jusqu'à dimanche, c'est plus de 400 activités qui sont proposées. Et c'est ce qui complète ce point sur l'actualité. De retour à l'émission Midi Jazz.